Attention, toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, votre rendez-vous de l'étrange et du paranormal. Dans l'émission de ce soir, nous allons aborder les thèmes du poltergeist, des spectres et des films de merde. L'émission de ce soir est consacrée à Activité paranormale de Oren Peli. Et à mes côtés, avec moi ce soir pour en parler, Sarah. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir, ça fait une semaine que je suis malade, j'en peux plus. Ouais, Sarah était déjà là la semaine dernière. Et Greg. Bonsoir Antoine. Cette semaine, on parle d'activité paranormale, Paranormal Activity, titre original, parce que maintenant je vais dire le titre québécois à la place. Sorti en 2007 de 86 minutes avec Cathy Featherston, Mika Sloot, et pour ceux qui ne se souviennent pas et qui n'ont pas peur de s'ennuyer, ça ressemblait à ça. Salut! T'as fini par l'acheter ? Combien elle t'a coûté ? J'en sais rien. On va filmer tout ce qui nous arrive. Avec un peu de chance, quand on aura des images, on comprendra ce qui se passe. Et on prendra les mesures nécessaires. Tu me fais un striptease ? Pas devant ta caméra, en tout cas. Tu veux que je dorme avec ça dans la pièce ? Tu sais comment déclencher ces phénomènes ? En fait, là, tout de suite, ils ont déjà commencé. Je crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Voilà, Voilà, on va s'arrêter si c'est insupportable. Alors, moi j'ai eu un problème, je suis désolé, hein. J'ai vraiment eu un problème. Ah, j'étais emmerdé, hein. Alors? J'étais emmerdé parce que je suis allé à la bibliothèque. Figure-toi qu'ils m'ont refilé un DVD. Caméra de la salle d'attente. De caméra de vidéosurveillance privée. Des images qui ne me regardaient pas. Je suis allé tout de suite à la bibliothèque. Mais c'est une méprise. Oh, j'étais embêté, hein. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est 86 minutes d'images de merde et de sons de merde, donc parfaitement justifié par le procédé, mais ça fait extrêmement mal à la tête. Imaginez une vidéo de mariage, d'un mariage où vous n'êtes pas allé et qui dure une heure. C'est très très agaçant. Alors, en même temps, je crois que le budget du film était de 30 000 dollars. 15 000, comme ça. 15 000, enfin d'après les... Je pense qu'ils ont mangé pour 20 000 euros, quoi, parce que là, franchement, il y a rien. Si, si, parce qu'apparemment, le mec, il a refait le parquet de chez lui. C'est pas une connerie, j'ai lu ça sur Wikipédia. Ça sent le financement 2 heures de perdu, ça. Je te jure, c'est pas une connerie. Genre, sa meuf lui disait, parce que je crois que ça se trouve, c'est eux, enfin, c'est lui le Réa, ou non, j'en suis pas sûr. Et ouais, c'est sa baraque. C'est pas sa baraque, ouais, c'est sa baraque, hein, c'est ça. La baraque du réalisateur, et sa meuf lui disait, vas-y, refais le parquet, refais le parquet. Et du coup, il a refait le parquet pour le film, mais basta, quoi. Alors, la piscine, elle y était avant le film ou pas? Parce qu'on va se poser des questions. Non, ça, c'est pas chez eux, c'est chez le voisin. Il y a un plan d'une seconde. Non, il faut qu'on fasse une piscine. Non, je voudrais faire un plan dans une grande roue. Non, faut qu'on fasse construire. Avant toute chose, est-ce que ça vous a plu? Bah, franchement, je pensais que c'était un film qui faisait vraiment flipper. Et non, en fait, ça fait pas vraiment flipper. Bah, de base, si tu le regardes à 1,5, Greg, et en vitesse, ça va pas flipper, quoi. Ouais, mais c'est parce que j'avais peur d'avoir peur, du coup, je me suis dit, je vais le mettre à l'accéléré et je vais le regarder en plein jour, comme ça, je suis sûr de pas avoir peur. Parce que là, le fantôme, il va drôlement vite. Je sais pas si t'arrives à noter le détail. Nickel. Alors, moi, déjà, j'ai fait la grosse erreur de le regarder en VF. C'est tellement mal doublé que j'ai cru que c'était Maudinor, quoi. Ah, c'est l'enfer, hein. C'est en vrai VF, que la voix du gars est bien pourrie, hein. Non, mais c'est, je te rassure, moi, je l'ai vu en VO, ils sont insupportable, même en VO, ils sont débiles. Ceci étant, je trouve que c'est pas un si mauvais film. Sarah. Des acteurs très très charismatiques, hein, globalement. Un scénario très bien ficelé. Non, vraiment, pour une heure et demie de film. T'es conquis. Non, ouais, tu peux nous dire comment tu l'as regardé, ça, hein. Non, je peux pas. On sait jamais sur qui pourrait écouter, mais je l'ai regardé en plein jour, mais dans une toute petite fenêtre sur mon ordinateur pour pas avoir peur. Et sans le souvenir. Tu l'as regardé où? Où ça? À la cafétéria? Où ça? À la posée. Et j'ai trouvé que ça faisait pas trop peur comme ça. Enfin, ceci dit, l'idée, elle est, fallait qu'il y ait un moment qu'il y ait un film d'horreur sur une idée comme ça, quoi. Ouais, c'était jamais fait avant, quoi. Ah non, il n'y en a jamais eu. Bah, caméra au point sur un truc qui fait peur. Bah, attends, mais ça, oui, c'est pas nouveau, le Poltergeist. L'ésotérisme. Tu crois qu'ils n'en ont jamais fait? Attends, la planche Ouija, moi, j'en ai déjà vu, hein. Le scénar, il est trop pourri. Enfin, l'idée, elle est trop pourrie. Elle est simple parce qu'elle est simple qu'elle est pourrie. Mais mec, c'est un coup de génie. Le gars, avec 30 euros, il fait un film. Oui, mais ça. Moi, je pense aux pépettes, mec. Là, pour le coup, il dépense pas du tout sans compter. Et il va dominer tout le monde, quoi. Oui, mais c'est pour ça, oui. Pour ça, oui. Là, je suis d'accord. Sauf qu'au niveau du scénar, je te fais le résumé. Bah, en fait, il y a une nana, et il y a un couple, et le mec, il achète une caméra, et il y a un poltergeist, et il le filme. Et voilà. Fin des bails, fin de l'histoire. Non, mais non. Parce que le poltergeist, bon, faut que je trouve un nom à lui. Mais on va l'appeler Pipo. Pipo le poltergeist. Là, il va monter en tour progressivement pendant le film. Ah oui, c'est pas du tout prévisible qu'au début il fasse rien et qu'à la fin il fasse beaucoup de choses. C'est comme Requiem for a Dream, faut le regarder dans l'autre sens. C'est l'histoire d'un fantôme qui s'en va. Se calme. Je vais les laisser tranquille. Oh, Pipo se calme progressivement et là on n'en entend plus parler. Donc je vais sans doute vendre la caméra. Non, c'était tout pourri. Le scénar est tout pourri. C'est vraiment. Non, puis on se fait vraiment chier, quoi, du début à la fin. Ils sont. Alors, ça, c'est quand même le postulat de départ. Alors, c'est une critique parce que, oui, ils sont pas beaux, ils sont pas intéressants, machin. Mais en même temps, c'est des gens normaux. Imagine, c'est Brad Pitt et Angelina Jolie. Tu vois, dans leur baraque, au bout d'un moment, tu dis, bon, ça fait chier, quoi, tu vois, parce que tu dis limite Brad Pitt, il va lui mettre un kick ou un truc comme ça. Ceci dit, c'est un peu ça, parce que le gars, il est ultra vénère avec ses potes. Moi, ce qui m'a fait plaisir après avec UM for a Dream, c'est qu'il n'y a pas à côté moralisateur, hein, les fantômes, c'est pas bien. Du coup, il n'y a aucun message caché sur les démons. Il n'y a pas de parti pris. Tu vois, c'est ça qui est bien. Bah, en fait, moi, dès le début, en fait, j'étais un peu rassuré parce que je me suis dit, je l'avais pas vu, hein, ce film. Je me suis dit, ça va faire flipper et tout, machin. En fait, le mec, il filme et du coup, c'est hyper mal filmé et les effets de réel, ils sont tout pourris. Et le couple, c'est juste un couple de base américain. D'ailleurs, je vois pas pourquoi un fantôme va faire chier une américaine de base qui habite dans un préfabriqué, quoi. Tu vois, y a aucune raison pour ça. Moi, je vous dis, un fantôme, il en a rien à foutre des américains. Non, mais y a même pas de cimetière indien que là, tu vois. Non, mais parce que ça, on l'a pas dit, c'est elle qui se fait poursuivre depuis qu'elle a 8 ans par un putain de fantôme, enfin démon. Bah, par Pipo, c'est toujours le même. Non, mais Pipo, il est là depuis 8 ans. Bon, après, de toute façon, on va faire un point démon. C'est pas un fantôme, hein. Oui, c'est un démon. Le point est pas fait, hein, pour le coup. C'est Pipo le démon. Non, je sais pas si c'est un démon. On va faire un point Pipo tout à l'heure. Un point démon. Alors d'abord, le film commence. Donc là, on comprend que ça va être filmé caméra à l'épaule. C'est un enfer. Ça fait que bouger. C'est horrible. Les couleurs sont moches. Ça file la gerbe. Ça file la gerbe automatiquement. Oui, le son est dégueu. Avec la gonzesse qui arrive dans une décapotable blanche. Au début, je me suis dit. Comme Greg m'en a parlé, je me suis dit, putain, c'est un porno que j'ai téléchargé. J'ai pas dit ça. Je voulais me dédouaner. Ouais, t'as téléchargé Adal Activity, quoi. Ouh, pas mal, celle-là, tu vas la regretter encore plus que la mienne. Non, mais tu sais, la caméra qui bouge et tout, on dirait trop un gonzo, quoi. Au début, je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Un quoi? Un gonzo? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Tu peux dire ce que c'est un gonzo, Antoine? C'est un singe. Pour nos jeunes auditeurs. C'est dans le singe. Mais n'hésitez pas à taper dans Google Gonzo. Les enfants. Surtout les enfants. Et reprenez des médicaments, comme je vous avais conseillé la dernière fois. Bon, ça démarre bien. Donc là, on comprend qu'on est dans un film surnaturel, puisque la carte mémoire de son caméscope est infinie. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est-à-dire que là, il se fait jamais chier à changer une batterie. Bon, en même temps, on le verrait pas, mais. Bah oui, je pense que dès le début, on peut faire un point, gars, le mec avec sa caméra. Parce qu'au début, la caméra, il l'achète pour que dalle. En fait. Oui, au début, il n'y a pas de fantôme, il l'a acheté comme ça. Et c'est vrai que déjà, il filme. Mais si, le fantôme. Non. Si, il dit que c'est pour filmer les phénomènes bizarres. Oui. Exactement, il le dit. Il le dit. Attends, tu l'as regardé sans son, mais t'es plus au courant, Greg. T'as vu du scénario, quoi. Non, mais bon, ok. Elle est très bien sur les lèvres, ça. Okay. Bon, en tout cas, le mec est super content de s'acheter une caméra et il filme rien, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de deux secondes, moi, je suis sa meuf, je dis. Au début, il est vas-y, pars-toi avec ta caméra, quoi. Tu commences à rincer, quoi. Je suis en train de bouffer des céréales, casse-toi, quoi. Tu vois. Surtout, le gars, il vient d'acheter une caméra. il fait pas du tout tiens vas-y je vais essayer de filmer des plans de là-bas un coup tu sais de la maison de faire des beaux trucs, il va tout de suite filmer genre en mode horrible devant sa meuf qui bouffe des cornflakes. Alors qu'est-ce que t'as à dire à la caméra? Bah, je sais pas, va tester l'image, la qualité, parce que là c'est un enfer à l'image hein. Et du coup en fait t'as un peu prétexte au début parce qu'il dit vas-y va là-bas, vas-y chuchote comme ça on va voir si j'arrive à le choper le truc. Donc en fait là genre je fais une qualité de merde et je le justifie dès le début par je suis nul. Par je suis globalement nul, ils sont nuls tous les deux quoi. Et donc vie de merde, ça on l'a pas dit, mais vie de merde totale pour les deux, maison de merde. Bah maison de merde, ça va. Et puis vous avez repéré aussi. Attends. Il y a soit... ça va. Elle est grande. Elle est mal décorée, oui. Mais elle est grande. Elle est mal décorée. Elle est horrible cette maison. Et ils ont des soirées super fun où elle fait du tricot pendant qu'il fait de la guitare. Ouais, bah, franchement, si t'as un hyper mal de la guitare. Oui. Non, mais ça, c'est pas parce qu'en vrai, il joue bien. Non, mais il est nul en tout, ce mec. Même après, il va utiliser genre, bon, vas-y, je vais vraiment rentrer dans le son et tout. Le gars, il a Audacity, s'il te plaît. Tu vois. Bah, nous aussi, on. Ah non. En plus, j'utilise Audacity, moi. Donc en gros vie de merde. Ah oui, je m'étais dit aussi dès le début du film, je fais putain mais pour le mec qui a retrouvé les cassettes et qui s'est dit bah tiens on va le monter pour en faire un film au cinéma. Mais ça il le joue même pas ça en plus dans le film. Bah de toute façon t'imagines le temps que c'est à monter et le monteur qui a dû se taper les heures et les heures de ces deux connards dans leur baraque à se dire putain mais j'en peux plus ces deux débiles. Bah il y a un point à faire là-dessus aussi, c'est parce qu'en fait bon le principe c'est qu'ils se filment la nuit en fait, ils se filment la nuit pendant toute la nuit. Alors ça va qu'ils font des nuits courtes hein, ils dorment entre 4 et 5 heures par nuit, mais le mec il faut qu'il déroche ses 6 heures de sommeil par jour. Non mais c'est là que je voulais faire ça un point. Ça lui prend 6 heures. Non. Ça lui prend 6 heures du coup. C'est là que je voulais faire un point accéléré, c'est-à-dire que en fait, ça prouve que c'est une bonne technique celle que je fais. Lui le fait aussi. Donc oui. Tu vois, surtout que moi j'ai pensé à rien. Moi j'ai pensé à toi parce que quand j'ai vu les nuits qui passaient en accéléré, parce que pour ceux qui savent pas, pendant les nuits ils se filment. Enfin, faut qu'on explique en fait. En fait, oui, il pose sa caméra sur un pied où il filme son lit, tout simplement. Ouais. Encore une fois, le porno. Je suis désolé d'y revenir, mais là ça paraît évident quand même. Et en fait, du coup, bah évidemment pendant une grande partie de la nuit il se passe rien. Donc ils accélèrent. Pour éviter que le film dure 8 heures, ils accélèrent. Et tu vois le temps en fait. Moi c'est ce que je fais aussi. Pour éviter que le film dure 8 heures. Pour toi la nuit elle va vraiment très très vite. Elle va encore 1,5 fois plus vite que la nôtre quoi. Et en fait voilà, ça défile très très vite. On voit le compteur des minutes qui tournent. Et ça s'arrête à un moment précis, le moment où il va se passer quelque chose. Exactement. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai tout noté ce qui se passe. Et chaque nuit, donc on va y revenir, point par point, en détail. Il y en a combien de nuits? 21. Vingtaine, mais ils y sont pas tout le temps. Il y a 20 nuits et en tout des nuits où il se passe quelque chose, il y en a 10. Donc voilà, ça commence par la nuit 1. Ouais. La nuit 1, donc la caméra défile. Déjà c'est malin là. Le temps défile. 2h10. Ouais, c'est bien, nuit 1, c'est... Ouais. Ouais, c'est pas mal. 2h10. Ouais. Et là on entend un bruit. Bah, alors ça va être souvent un bruit. Et ouais. C'est les clés qui sont tombées non, au milieu du salon. C'est un bruit pendant les premières nuits. Après, ça monte dans les tours. Hein, ouais, ouais, après, attends, oui. Après, ça va être du Céline Dion à fond la caisse. Mais au début, c'est juste un bruit en bas. Ils savent pas ce que c'est. Ils descendent et il y a les clés au milieu du salon. Ah, c'est le lendemain qui s'en rend. C'est le lendemain matin. Ouais, le lendemain matin. Donc ouais, moi, je me dis, j'ai arrêté là, j'avais trop peur. Moi, j'ai pas vu la suite du film. Et du coup, pour éviter que ça monte trop en tours, ils décident quand même de faire venir un. Un psychologue, enfin un psy, ouais. Un espèce d'exorciste quoi. Un médium. Non, c'est un nom, un psychique, voilà, c'est ça. Ah. Titre anglais. Le docteur Friedrich. Qui est en fait, George Bush en fait. je suis médecin et donc là, elle explique. Médium. Elle explique sa. Je suis aussi médium. Elle explique sa. En fait, son envoûtement, là. Je dis n'importe quoi. Non, mais elle explique qu'elle est, qu'elle est persécutée par un démon depuis qu'elle est gamine. Depuis ses 8 ans. Alors, elle explique qu'en fait, elle le voyait avec sa sœur dans Pourquoi son. Pourquoi tu me pointes du doigt? Moi, j'ai rien fait. Écoute-moi bien, Antoine. Elle le voyait avec sa sœur quand elle était dans sa maison quand elle était petite et que sa maison a brûlé, en fait. Ensuite, tout à fait. Et quand même, le démon a continué à la suivre malgré ses déplacements et ses multiples déménagements. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que. Le médium, je sais plus comment tu l'appelles, le médium. Ce gars-là, il rentre chez eux, il parle, il est très très sérieux, tu sais, il est bien, il présente bien, toi, ah, il a un son solennel. Sauf qu'en vrai, les gars comme ça, ils existent, ils sont complètement barjots et tu les laisses même pas rentrer chez toi, quoi, tu vois. En vrai, c'est des marabouts, ils arrivent avec des trucs, tu fais oulala, mais il est dingo, lui. Non, et tu les laisses pas rentrer, quoi. Tu sens le spécialiste, elle lui dit, donc il m'a poursuivi depuis que j'ai 8 ans, je le voyais, je l'ai revu à 13 ans, je le revois aujourd'hui, ouais. Et il lui dit, par essence, il est lié à vous. Ah bah voilà. Ah bah merci, oh putain, génial. Je vous dois combien? Et là il dit un truc hyper marrant, il fait. Bah le pire c'est que c'est pas remboursé en plus hein. Malheureusement, c'est pas un spectre. Moi je suis Je suis moi, je suis Space Spectre. Je sais pas si vous avez vu. C'est un démon. Spectre. Oui, c'est un démon. C'est un démon. La différence, c'est qu'il est méchant, en fait, c'est ça. Et c'est un démon. Et là, je peux rien faire. Et en gros, là, il lui explique qu'il fait démon. Démon, c'est chaud. Faut payer un peu. C'est pas ma cam. C'est un autre docteur, le démon. Antoine, tu sais très bien que les médiums, il y a des spécialités. Je suis désolé. Il y a des spécialistes fantômes, spectres. Il y a des spécialistes démons. C'est comme ça. Docteur Guest. Oui, ben oui. Voilà, exactement. Donc là, il faut. C'est marrant parce qu'elle lui dit. Alors, elle lui demande de lui décrire en fait ses manifestations. Et donc elle lui dit, bah il apparaît, on entend des bruits, les robinets s'ouvrent, il fait la vaisselle, il passe l'aspirateur. C'est vachement pratique d'avoir un fantôme comme ça. En fait. Un démon, people démon. Ah oui. J'ai un petit extrait de leurs échanges. Ces spots encastrés dans le plafond se mettent parfois à clignoter, uh-huh. Et les robinets s'ouvrent et se ferment de temps en temps, sans aucune raison apparente. D'accord. On arrive dans la cuisine, on les ferme, et quand on revient, ils sont ouverts. On entend des bruits dans les murs. Des genres de grattements, comme le crissement que font les ongles sur un tableau. Ça se produit surtout ici, c'est ça? Ouais, la plupart du temps. J'entends chuchoter, parfois des sons incompréhensibles et parfois la voix dit mon nom. Ah oui, elle prononce distinctement votre nom. Oui, c'est arrivé. Et vous, vous l'avez entendu? J'ai déjà entendu des bruits bizarres, mais jamais de voix qui dit le nom de Cathy. C'était peut-être moi dans mon sommeil. C'est quand même pas la même chose. Toi, quand tu dors, tu es de ce côté-là du lit. Je te parle d'une voix, ici, tout près. Putain, mais le son, il est pire que le son de 2 heures de perdu, quoi. Mais c'est quoi ce doublage? Les mecs, ils lisent les textes. Là, il est même pas dans la lecture, il est dans la découverte. Et donc là, vous avez rencontré ce démon. Cathy. Ah merde, j'avais oublié le Cathy. Ouais, c'est pas grave, je le recollerai un peu. Ouais, j'ai supprimé les blancs. Et là, ce qui est génial, c'est quand même que, donc, globalement, le médium ne sert à rien, et qu'à la fin, quand il part, elle me dit merci, hein, maintenant je suis rassurée quand même. Oui, alors qu'il dit c'est un démon, tu peux rien faire. Voilà, il est très méchant. Mais non, mais il le dirige comme tout bon médium vers un démonologue. C'est normal. Ah, oui. C'est la base. C'est le meilleur de la ville d'ailleurs. Donc, ça s'enchaîne sur nuit 3. Alors, nuit 3, qu'est-ce qui se passe? À 2h09, accrochez-vous, la porte bouge. Et donc là, voilà, la porte va bouger à 2h09. Ouais. Vous avez bien noté, hein. La porte bouge à 2h09. Voilà, c'est tout. Là, ouais, elle bouge, mais il y a un moment donné, bah, ils ont jamais pensé à la fermer, cette porte. Parce que non, si non, la non, fermer. Non, parce qu'en fait, il veut filmer tout le couloir pour voir s'il se passe un petit bail. Parce que Bipo le démon, c'est comme un chat, c'est une porte fermée, il peut pas y arriver. Le poignet, il va galérer, quoi. Enfin, en tout cas, pendant les premières nuits. Après, ça va, il arrive à bouger les portes. Là, ils ont une discussion qui m'a fait hurler de rire. Il dit un truc, je trouve ça très très propre. Il lui dit, bah, t'aurais pu me dire que t'étais hanté. Une petite engueulade avec sa meuf. Mais moi, j'ai rien demandé. Moi, j'en veux pas de Pipo. Moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est qu'à un moment donné, ils apprennent que c'est un démon. Donc, du coup, il achète un bouquin sur les démons pour se documenter sur les démons. Et on voit son bouquin, il y a que des images. De démons, du coup. Faut les colorier. Coloria ça, hein, c'est le 7e démon de l'enfer. Ton démon, il ressemble à celui-là, là, celui qui a les cornes. Réalise-toi-même ton pentagramme. Non, mais c'est surtout, là, c'est limite un montage. Franchement, derrière, il y avait la musique de Pushy to the Limit. Il tourne 3 pages de son bouquin et il ferme. Je suis devenu un expert des démons. Il ferme le bouquin, il fait. Bon, c'est bon, je sais très bien que c'est Pipo Astaroth. Ça s'enchaîne sur nuit 5. Ouais. Alors, nuit 5, 2h55, bruit en bas. Voilà. Alors, c'est non, terrifiant, hein. Là je vous dis. Ah, non, c'est terrifiant. Mais il faut voir que c'est quand même, c'est une caméra plan fixe sur une chambre qui est avec la lumière éteinte, mais avec une espèce de vision, pas infrarouge, mais une sorte de intermédiaire. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est bleu. Ils ont dû sans doute demander à Mathieu Kassovitz comment gérer les couleurs. Et là, on entend un bruit. Voilà. Donc, voilà non, mais il n'y a pas que ça en fait, c'est plaisir. Donc, t'entends un putain de bruit. Tu sais déjà que la veille, t'as vu que la porte s'ouvrait et se fermait. Bon, déjà, bon, t'es un petit peu échaudé. Et elle sait qu'elle est hantée. Je viens de dire échaudé là. Ouais, j'ai dit échaudé. Pas mal. Elle est sûr que les gens comprennent. Hein. Bah, si tu nous écoutes, on simplifiera. Elle sait qu'elle est hantée. Mais c'est-à-dire qu'elle entend le bruit. Du coup, t'as dit, elle sait bon, c'est qu'elle bon, quoi. Je dois te couper là. Vas-y, parle pas. Elle sait qu'elle est hantée. Et son mec descend et elle prend la caméra et elle va suivre le gars. Et elle le suit. Non mais c'est quoi les bails? C'est quoi les bails? En fait, t'es hanté, tu vas suivre le fantôme et ton mec avec le machin alors que t'es méga flippé. C'est vrai que ça a pas trop de sens. Mais c'est comme lui il a une réaction tout à fait étrange. C'est-à-dire que faut savoir que le premier tiers du film, il se fout de sa gueule parce qu'il y croit pas du tout. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Genre en mode, ouais, on s'en branle les machins. Et au bout de deux secondes, il fait, non, mais si c'est un démon, moi, je pense qu'il faut acheter une planche Ouija, quoi. Mais attends, mec, il y a deux jours, t'y croyais pas du tout. Et surtout, mais moi, si jamais, enfin, pour le coup, moi, je vous dis, je crois pas aux sciences occultes. Voilà, je suis quelqu'un de très cartésien. Très rationnel. Je suis très rationnel. Je crois que qu'est-ce que je vois. Ouais, je suis comme le saint, je sais plus quoi. Moi, je me fais dominer, j'y crois. Sinon, et, mais si jamais je vois, enfin, il y a des trucs qui se produisent comme ça, je flippe, cache et je me casse. Enfin, c'est sûr. Il y a pas de. Ah oui, c'est intriguant cette affaire. Ouais, ouais, c'est à l'air. Bah, je vais communiquer avec lui. Bah, c'est ça. Et en plus, il en fait 3 tonnes. Au début, le mec, il dit, il faut surtout pas le provoquer. Le Ouija, c'est non, non, non. Et le mec, tout le film, il lui dit, médium, tu veux dire. Vas-y, ouais. Vas-y, il est où le fantôme? Vas-y, je vais lui parler. Bah, tout. Le mec, c'est un Lopez, quoi. C'est un Lopez devant le fantôme. Exactement. Il dit, il y a un mec, il vient, il y a un démon, il envoie un banana chez moi. Je vais lui péter la gueule. Bon, c'est vrai que tout le long du film. Mais lui, c'est vrai qu'il est un peu en face. Je pense que c'est un démon, quoi. Je pense que c'est un ancien Marines. Parce que, complètement, il fait, ouais, t'es où? T'es où le fantôme? Ouais, c'est qui, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a l'air. Moi, je veux dire dans ton campement le fantôme! Et à un moment, mais c'est pareil, tu vois, il est pareil, c'est ça, il lui dit, il faut pas lui parler parce que ça le fait venir. Parce que le démon, il parle anglais, en fait. Bah, ouais. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le démon, il est assis dans le salon. Si tu l'appelles pas, il va pas venir, quoi. Et là, il fait, quoi? Putain, il m'appelle. Bah, je vais monter. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il a l'air étonné. C'est qu'il entend un bruit, il fait, oh putain, c'est quoi, ça? Et tu sais, il part en courant. Mais c'est quoi? C'est qui? Y a quelqu'un? Vas-y, montre-toi. Mais mec, c'est un fantôme. 20e nuit, tu sais qu'il y a un fantôme, quoi. Tu l'as vu sur tes putains de vidéos. Tu gueules sur un chien. C'est qui? Gueudi! Gueudi! Mais il est comme ça! Et ce qui est marrant, c'est que des fois, tu sais, il ouvre, quand il va dans la salle de bain, il arrache le rideau, genre il s'attend à voir quoi, le fantôme qui l'attend derrière. Oh, moi, il est derrière le rideau! Le fantôme qui prend une douche, qui prend un bain. Bah, surtout si jamais il est derrière le rideau, le truc, bah, mec, tu vas faire quoi? C'est pipo le fou. Mec, t'es mort. Tu peux rien faire. Et nuit 6, 3h15, maxi bruit. Nuit 13, nuit 13. Ouais. Nuit 13, hein. Mais soyons précis, hein. Ah bon? 6? Non, moi j'ai nuit 6. Oh, okay. 3h15, maxi bruit, turbo menace. Mais alors vraiment, mais un espèce de truc. Pff, un truc qui s'effondre. Ouais, je sais. C'est un pipo qui s'endort. En fait, il est tombé du canapé. En fait, ils ont un clodo qui est rembourré tous les soirs chez eux. Et il fait un boucan en bas dès qu'il rentre. Et à chaque fois, il rentre tout bourré, il déplace tous les meubles. Oh, j'ai merdé! Putain, il fait tomber les clés! Ah, vous me faites chier, là, avec la porte! Et le matin, putain, le démon, il veut pas qu'on regarde la télé, il l'a cassée et elle est tombée! Et il a laissé des cadavres de bouteilles de Sky! C'est un message! Hey, ton démon, il est sympa, mais il pue! Là, il a laissé un blouson et un caddie dans le jardin! Et là c'est pareil, il y a maxi bruit en bas. Tu sais, au lieu d'avoir la phase de oh putain c'est quoi ce bruit, genre phase naturelle, il fait vas-y je vais direct te voir. Tu sais, il descend mais, non, genre, mais c'est pas juste je vais direct te voir, c'est je vais direct te voir, je prends la caméra et j'allume pas la lumière, quoi. Tu vois, au bout d'un moment. Mais c'est pas, c'est, mais tu descends, t'as eu la lumière et tu descends avec une batte de baseball. Le gars, il descend avec sa caméra sans allumer. Mais dans le noir. Contre un démon. Vas-y, je vais faire un petit stress test tout seul. Contre un démon, ça ne sert à rien, la batte de baseball. Inutile de t'acharner. Un démonologue avec nous, très heureux de vous avoir. Alors là, c'est l'épisode de la Ouija Board. Alors, on explique ce que c'est la Ouija Board pour ceux qui savent pas. Bah en fait, pour le peu qui savent pas ce que c'est. Enfin, ouais, tout le monde en a une chez soi, une Ouija Board. En fait, je crois qu'aux États-Unis, tout le monde en a. Ouais, ça, dans tous les films ricains où il y a des fantômes, il y a des Ouija. Moi, j'en ai jamais vu une en vrai, quoi. Ouais, il y a des Ouija et des chuchotements. Là aussi, on a des chuchotements. Oui. La Ouija, c'est une table qui sert à communiquer avec l'au-delà. Hein. Je crois que c'est ça. Okay. C'est voilà. Ça. Donc en gros, c'est une table avec une sorte de pastille en bois qui est dessus avec un alphabet. Ouais. Et en gros, la pastille se déplace toute seule. Bon, alors, elle se déplace pas toute seule parce qu'en fait, il faut mettre son doigt dessus et la déplacer. C'est le principe de la Ouija Board, ça n'a aucun sens. Et puis, encore une fois, on lui a dit 20 fois de ne pas en acheter une. Ouais. Et donc, il en a acheté une. Il est têtu, hein. Mais, il est têtu, monsieur. C'est un Marine. Mais il a une bonne raison parce qu'il ne l'a pas réellement acheté. Oui. Je suis trop contente de sortir de la maison pour me changer les idées. Une petite soirée sympa avec mon mec. On a encore 10 minutes. Tu peux me dire ce que tu fais, là? Allez, viens m'aider. Je te demande ce que tu fais. Je vais lui parler. Regarde-moi. Quoi? Quoi? Je te l'ai dit. Tu m'as promis que tu ferais pas... arrête de me regarder comme ça. Tu m'as promis que tu ferais pas le con avec ça. Non, j'ai promis que j'achèterais pas de table de Ouija et j'ai pas acheté de table de Ouija. T'avais très bien ce que je voulais dire. On m'a prêté une table de Ouija. Tu savais exactement ce que je voulais dire. Je t'ai dit de pas faire ça. Je t'ai dit que ça me fait peur. Et toi, tu fais quoi? Tu te pointes la gueule enfarinée avec ce truc de merde et tu t'installes en plein milieu du salon et tu te crois où? On me l'a prêté. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je veux plus voir ce truc. Maintenant, on y va. Cathy. On n'a plus de caméra, c'est terminé toutes ces conneries. J'en ai marre. Cathy. Y'a pas de Cathy. Tu fais ce que tu veux, moi je m'en vais. Donc là, elle monte en tour, hein. Franchement. Alors moi, y a un truc qui me choque un peu en fait. C'est qu'ils partent au resto. Et le fantôme, il a pas le droit de prendre du bon temps avec eux dans le restaurant. Alors, bonne question, parce que le fantôme est censé la suivre partout. Eh oui. Mais là, il va rester à l'appart pour jouer avec la Ouija. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'était trop cher de faire des plans restaurant avec la caméra de merde. Alors, oui, alors. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est des gens, ils prennent des fantômes comme ça. Et puis c'est le genre à les laisser sur leur route à l'été en partant en vacances, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Le nombre de démons qui meurent chaque année. Pensez à nos démons. Alors, ça c'est pareil. Donc ça c'est le parfait bail scénario, c'est-à-dire le fantôme, vous pourrez pas y échapper. Quel que soit l'endroit où vous allez, il va vous suivre. Sauf au restaurant. Mais à mon avis, le fantôme, tu prends l'avion, il va pas te faire, tu vois, avec toutes les merdes d'embarquement. Tout, c'est, pour lui, c'est compliqué. Non, mais je reviens là-dessus, mais franchement, t'es un vrai démon. Qu'est-ce que tu vas foutre à Santiago dans des baraques en préfabriqué ou déjà, Greg, il n'y a pas de vrai et de faux démon. Oh, bon. Parce que Mika, il le provoque aussi. On lui a dit de pas le faire. Ah, c'est ça. Bah oui, j'ai fait, déconne. Tu sais très bien ce que t'as fait, toi. Ça provoque le démon. Non, mais. Alors, est-ce que quelqu'un explique, parce que j'aimerais bien que ce soit notre expert supernaturel, si tu racontes. C'est Ron. Donc c'est Ron, bienvenue. Il nous fallait un expert du disco pour analyser cette scène. Il va y avoir des bails de feu avec la Ouija. Ouais. Non, moi je m'avance pas là-dessus. Ah oui, tout à fait normal. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors habituellement, tu sais à quoi tu t'exposes là? Habituellement, quand on provoque un démon, il peut arborer des comportements agressifs, comme mettre le feu à une table, mais le regretter par la suite. Et éteindre le feu. Et surtout ne pas endommager la table qu'on lui a prêtée. C'était pas la sienne, je le répète. La table, on va voir des plans de la Ouija board après. Elle n'a pas un pet, il n'y a pas un truc de brûlé dessus, quoi. Parce qu'en vrai, ça s'enflamme, on voit plus les lettres, et du coup, il peut pas la déchiffrer. Et oui, il va bien prendre soin de l'éteindre, ça n'a aucun sens. Mais du coup, ils auraient pu attendre l'été avant de chasser le fantôme, parce qu'il aurait pu allumer des barbecues. C'est cool. Et là, ce qui est marrant, c'est que là, on est à peu près, je sais pas, nuit 13, 14, 15. Nuit 7, j'ai la prochaine. Nuit 7, ouais. Donc le fantôme, il vient que la nuit. Hein. Il a pas 16 heures. Hein. On en a déjà parlé hein, pour les fantômes. Bon, là, c'est un démon, donc lui, il s'en fout, il a pas les mêmes objectifs. Mais pour les fantômes, venez en journée. Il va le faire après, pour le coup. Ouais, après, il va venir en journée. Ouais, c'est vrai, pourquoi il le fait pas avant? Bah, il le fait une fois en journée, ouais. Bah, du coup, la journée. C'est la nuit, frère. Il sortait de boîte. Je crois qu'il sortait de mais boîte. En fait, on va peut-être faire le point fantôme parce que, en fait, quand t'as un point fantôme. Quand t'as un fantôme, le point démon. J'aimerais qu'on l'appelle le point pipo. Point pipo. Alors, pipo, il arrive. Il dit, bon, au début, je vais y aller mollo. Je vais juste faire des petits bruits. Je vais juste déplacer les trucs. Parce qu'ils l'ont pas appelé vraiment pipo. C'est-à-dire qu'il est là, mais il se fait, bon, il m'a pas trop invité. J'ai envie de les faire chier un peu, mais pas trop. Bah alors moi je comprends pas pourquoi il fait pas le grand jeu tout de suite quoi, tu vois. Il peut pas. Michael il va te l'expliquer. Il y a des barrières démoniaques. Exactement. Ah, et elles sont ouvertes par le fait de communiquer avec lui. Ah d'accord. Et du coup en fait il prend la puissance et plus on lui parle plus il peut aller vers le grand final. Contrairement à ce qu'on pense, un démon ne peut pas faire ce qu'il veut non plus. Il n'est pas totalement libre et tout puissant. Un autre petit point Mika qui est quand même sur Michael sur son attitude. Globalement, ouais, bah depuis la saison 2, il a changé. Ouais, c'est la drogue. Et quand même, globalement, est un petit malin, donc il essaye de comprendre le message sur le Ouija. Bon, ouais. Il comprend jamais parce qu'il est bête comme ses pieds. Ah, bah, pas et comme ensuite, ça. Il lui dit, j'ai une super idée. On va foutre de la poudre par terre. Malin, ouais. Pour bien se casser la gueule quand on va pisser. Pour voir s'il y a des traces. Mais c'est génial, mais une fois qu'il y a des traces, on fait quoi? Le démon, il est toujours là. Enfin, ça sert à rien, en fait. Enfin, oui, parce que. C'est débile. À la limite, tu dis, il y a des traces, ils vont vraiment flipper. Ouais, ils voilà, voient des traces, ça. Ils font. Ouah, il y a des traces. Alors, c'est marrant parce que justement, donc, il met ça avant la nuit. Donc, évidemment, le lendemain matin, il se réveille, il y a des traces. Et c'est là qu'on apprend que Pipo est une poule. Mais oui, il y a des traces. C'est des traces de pied de poule. C'est un démon. Non, attends, t'es des monologues ou pas? Bon, ça a trois pattes, hein, ça a trois. Alors, trois ça dépend. Ah, bah, ça des dépend, démons, évidemment, oui. Évidemment, ça dépend. Mais c'est là, c'est pour ça d'ailleurs, parce que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé des œufs à la cave? Bah, c'est pour ça. Non, mais ça pourrait être un peu logique, en fait, si tu mets de la poudre partout pour savoir où, en fait, où il vient le démon. Ah, sauf oui, que. Où il va. Même ah, savoir oui. D'où il vient, genre après, Michael, il va arriver, il va faire, oh, je l'attends à la porte, là, de là où il vient. Mais surtout, on comprend rien, parce que on a vu que la poudre avait été remuée, mais on voit pas trop dans quel sens, ni où. Et là, tu vois, ils se mettent à flipper. Et là, elle fait non, mais il faut qu'on appelle le démonologue. Moi, j'en... Et lui, il fait non, non, t'es ma meuf, c'est moi qui règle ton problème. C'est moi qui règle le problème. Mais t'es trop con, mec. Il faut un démonologue là, visiblement. Ah, ah ouais. D'ailleurs, il aurait pas dû. Hein. Ah bah oui, il faut un non, non, mais il faut un démonologue là, c'est sûr. Donc et là, c'est. Par contre, ce qui me fait marrer, c'est que moi, si j'avais été un fantôme un peu con, enfin, si j'avais été moi en fantôme, j'aurais fait un moonwalk pour en foutre partout. Oh, je vais leur faire croire que je suis allé dans la salle de bain. Tiens, voilà ce que j'en fais de ta poudre. Et alors là, quand même, il se réveille. Là, ça devient quand même un peu flippant parce que, bon, la poudre, elle a bougé. Il y a une espèce de trappe pour aller au grenier qui est ouverte. Ouais. Et là, le gars il dit je vais monter. Ouais, ouais, mais et c'est... je vais monter avec la caméra. Ouais. Bah, ça non, non, non, non, non, justement, la caméra elle reste en main parce qu'elle est film. Ouais. Et lui, il y va sans lumière. Et donc, il y va sans lumière. Mais il a des couilles hein, quand même. Le gars, lui, ça, on peut pas lui retirer. Alors ça, là, je peux te dire qu'il a des grosses balls à l'américaine. Parce que moi, jamais je fais ça. Et il redescend et il y a une photo d'elle petite, brûlée, qui avait disparu dans l'incendie. De sa maison. Tintin. Alors là, seuls les plus forts des spectateurs auront compris le lien avec la maison brûlée de son enfance. Ouais. Bah non, quand même. Préparation paiement. Sauf que le fantôme, il a zéro message en fait, quoi. C'est le seul message qu'il a. Il a rien écrit derrière la photo. Non, mais après, il n'y a pas d'autre explication, quoi. C'est-à-dire, le fantôme, il vient pas pour dire quelque chose, quoi. Bah, c'est un démon, écoute. Tandis que chez Mathieu Kassovitz, le fantôme vient pour quelque chose. Ah ouais, le fantôme, il a un vrai objectif incompréhensible. Le démon, il est juste mauvais, hein. On l'a dit au début. Il a rien d'humain et c'est. Voilà. Il vient juste pour foutre la merde. Hein. Ouais. Ouais, ça, c'est le principe c'est du démon. Pipo la nuisance. Et voilà. Là, c'est un truc qui me fait marrer, c'est-à-dire qu'elle appelle le démonologue. Et il est pas là. C'est ça. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Philippe Démonologue. Je ne suis pas là pendant quelques jours. Et là, elle fait bon, bah, on fait rien, c'est quoi. Con. Ouais. Nuit 18. Alors, c'était nuit 20 avant. Comment c'est possible? Non, mais nuit 18, c'est ça. Hein. Ah oui, nuit 18, 3h54. Ah, le fantôme. Ah, là, moi, j'ai mis où... le fantôme monte dans les tours. Bah, c'est là où il commence à allumer les lumières, en fait. Le fantôme. Il allume les lumières. Là, bon, déjà, c'est pas lui. Il va vraiment faire joujou avec le mobilier. Hein. Ah, mais déjà, c'est pas lui qui paye l'électricité, donc je voudrais dire. Là, tu te réveilles, les meubles, ils sont tous déplacés. Hein. Et ben, Mika, il nous refait un coup de. C'est qui? Vas-y, viens. Moi, je suis étonné qu'à un moment, il fasse pas. Ouais, je suis un Marines. Vas-y, viens, si t'es un homme. Tu veux monter en tour? J'ai un petit extrait de cette scène. Merde. C'est quoi? Tu fais quoi? Mika, qu'est-ce qui s'est passé? Il est là. Putain! Oh, c'est pas vrai! C'est quoi ce bordel? Non, je t'en supplie, ne laisse pas, reste avec moi! Non, j'ai peur, reste ici, s'il te plaît! C'est trop dangereux! Mika, reviens! Reviens tout de suite! Attends-moi! Mika! Qui est là? Arrête, reviens! Tu veux jouer à ça, hein? Ne provoque pas. Reviens dans la chambre. Allez. Montre-toi. Allez, Mika, arrête. On retourne dans la chambre. T'as quelque chose à dire? Fais pas ça. Ouais, excuse-moi. Voilà, donc Mika n'hésite pas à monter dans les tours pour sa meuf. franchement, respect. Normal. Il a des valeurs. Non, il veut montrer ce qu'il domine. Bien sûr, il a des valeurs. Et je pense que le smart move de Pipo, ça aurait été de faire bouger l'échelle quand il descendait, plutôt que de faire bouger des portes qui servent à rien. Tu vois, au moins, ça aurait servi à quelque chose, quoi. Bah, il teste un peu les mécanismes pour plus tard. Parce qu'après, on va vous le dire, il y a un grand final et il faut vraiment être sûr que tout roule, quoi. Tu prépares un peu. En fait, c'est des. Toutes. C'est maman, j'ai les 20 premières nuits, c'est des répètes pour le final. Donc là, la porte, celle-là, c'est par l'intérieur. Faut pas que je me trompe. Et moi, pendant cette scène, je regardais cette scène et je me suis dit, mais putain, mais si j'étais le démon, mais je pèterais un cap tellement ils sont cons, quoi. Tu sais, genre, je me dis, putain, mais les gars, j'essaie de mettre tout un truc en place et là, vous faites n'importe quoi, quand même. Et là, le démon, il va casser le cadre. Ouais. En pleine journée. Voilà, celle-là, là, il le fait en pleine journée, là. Ouais, là, il a pas peur. Donc, il casse le cadre avec la photo. Et parce qu'il était pas au bar ce jour-là, je crois, du coup. Et là, le médium du début, il revient. Ouais. Ça, c'est pas mal, par contre. Non. Il est toujours aussi utile qu'au début. Non, mais, il est toujours très utile, d'ailleurs. Ben non, il est encore pire. Le problème, c'est que non, mais c'est un médium sérieux, puisque il se rend vite compte qu'il excite par sa présence. Pipo. Pipo. Non, mais c'est vrai, il aurait pu leur piquer de l'argent, mentir, dire ouais, je vais trop vous aider, tout. Non, il est honnête. Ah ben non, mais je peux pas vous aider, je me casse. Ah oui, il sent la tension totale dans le truc, quoi. Surtout que le mec a fait 300 bornes de bagnole. Hein. Il arrive, il rentre, il fait ouh là là, il y a des mauvaises ondes. Je me casse. Je suis garant double vie. Là, on sent qu'ils commencent à craquer les deux. Hein. Cathy, elle commence à craquer. Alors voilà. La fin, ça va aller très vite. Là, c'est quoi ? Nuit 20, donc ? Nuit 19. À 1h34, il y a une espèce de forme qui arrive sous les draps et qui disparaît. La timeline avance. Pour le coup, les démons aussi ont froid. Ils ne simplement se réchauffer sous la couette. Ouais, je pense que c'est eux ça, aussi, hein. Ils ont le droit à de l'amour. Je suis d'accord, hein, je pense que c'est ça. Et à 3h04, la lumière s'allume dans le couloir. Non. Dans le couloir. Dans le couloir. Fin. Ensuite, le lendemain matin, il trouve sur Internet un site web et il fait « Putain, il y a une meuf qui s'appelle Diane qui a la même histoire que toi. » Alors, je le trouve que maintenant, par contre, hein, après la nuit 19. Et il mais parce que, tu sais, ça fait référence au message que avait laissé le démon sur la table. Ouija, sur la Ouija, il a essayé de décrypter. Hein. C'était écrit « Rappelez-moi au 07 ». Non, et alors, en gros, le truc, c'est... elle lui dit « Ouais, mais alors cette Diane qui avait le même démon que moi, qui avait un démon qui s'appelait Pipo, qu'est-ce qui est arrivé ?» Elle fait bah, elle est morte dans d'atroces souffrances. Alors là, il y a une photo affreuse. Ouais. Et elle dit, mais pourquoi ? Là, ils ont fait un exorcisme. Et du coup, on peut pas faire d'exorcisme parce que ça énerve le démon, quoi. Ouais. En gros, faut rien faire et c'est attendre, vrai. Quoi. Ouais, faut être passif dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il en pense, le démonologue autour de nous, là ? Alors effectivement, il faut s'accorder les compétences. Il faut s'accorder les compétences des meilleurs exorcistes, puisqu'effectivement, un démon est très difficile à chasser. Oui. Là, okay. Il se prend la tête parce que là, du coup, il commence à vraiment s'engueuler. Il dit une deuxième phrase. Moi, j'ai noté les deux répliques un peu crates qui sort à sa meuf. Celle-là est vraiment pas mal. Et à un moment, ils se prennent la tête. Elle monte dans les tours, mais elle monte surtout à l'étage. Et il lui dit c'est toi qui as amené ce démon à la con. Va t'amuser avec ton pote là-haut, tiens donc. Tiens donc. Il dit ça dans la VF, non ? Il est vieux, enfin. Va t'amuser avec lui, vieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il reste 10 minutes de film hein, quand on est à la nuit 20, quoi. Ouais. Mais je sais pas si vous avez noté. C'est à partir de là où ça va vraiment faire peur. Parce que même avant, moi, je l'ai regardé en mode officiel, c'est-à-dire, j'ai loué une salle de cinéma. Dans le noir. Les fenêtres ouvertes. Non, mais voilà, j'ai regardé vraiment dans le noir sur ma télé et tout. Il s'avère que je l'avais déjà vu, donc je savais quand est-ce que ça allait faire peur, donc ça triche un peu. Mais il n'y a que à partir de la nuit 20 qu'on peut quand même espérer avoir attention au terme technique, un jump scare. La nuit 20, c'est celle qui fait plus peur. Hein. Moi, je trouve. Ouais, je sais pas. Mais il y en a 20 déjà est un chiffre démoniaque. Je pensais qu'il allait y avoir. 20. Je pensais qu'il allait y avoir plus de jumpscares en fait. Anecdote, hein, je vous fais une anecdote là. Ouais, c'est je parti. Sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit 21, elle arrive à 1h21 du film. Et je pense que c'est pas une coïncidence. Hein. Wow. Non, je vous assure. Quelle heure il est là ? Putain, on est 1h21 de podcast. Les frissons. Alors là, pour le coup, avant on était dans des bails de portes qui claquent, de poudre ou une Ouija qui bouge toute seule. C'est déjà flippant. Là, ça va vraiment step up. C'est-à-dire qu'à 4h42, Pipo est vénère. Là, Pipo, il va la tirer par les pieds, quoi. Voilà, alors, c'est... Elle est comment du tirer lit. Du lit. Alors là, ça va la réveiller. Mais vraiment, c'est-à-dire que, bam, elle tombe par terre. Moi, j'ai cru qu'elle s'était blessée. Moi, j'ai eu peur. Et elle est tirée dans le couloir. Il va la chercher. On voit rien parce que la caméra est fixe dans la chambre. On entend juste plein de bruit. Ouais. Les hurlements. Et ensuite, ça passe au matin. Et elle a une morsure énorme sur le. Et là, on c'est se donc, dit. Ouais. Bah, on se dit que c'est la poule la plus forte du monde. Elle a une sacrée mâchoire, la poule. Mais surtout, on se dit. Pourquoi il reste dans la baraque. C'est-à-dire, parce qu'après, il va y avoir une nuit 21 quand même. Mais moi, il m'arrive ça nuit 20. Je pense que matinée 20,5, je suis en Alaska. Quoi. Ils veulent aller, ils disent on va aller à l'hôtel et tout. Ils se mettent d'accord, l'hôtel et tout. Mais en fait, ouais, la moitié possédée. Et elle, en fait, et puis pour qu'on comprenne bien, ils lui font une voix chelou. Elle dit je crois que ça va aller maintenant. Et ils décident de rester pour la nuit. Elle a mangé après minuit. En fait, ils vont pas à l'hôtel parce qu'ils n'arrivent pas à se décider entre l'Ibis et le motel. Et donc et là, il y a le dénouement. Et surtout, ah oui, non, j'ai oublié ça. Tu vois, elle se prend la morsure et le réflexe du gars, c'est de dire bon, bah, vite, on retourne dans la chambre. Bah oui. Bah, c'est normal, réaction normale. Mais mec, casse-toi de cette baraque. Enfin, tu vois, autant que tu te fasses attaquer dans la rue, t'auras peut-être d'autres gens. Ouais. Il y a peut-être d'autres clodos qui sont là. Et là, c'est la nuit 21. Alors là, la nuit 21, accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'en plus, j'ai une petite anecdote. Ouh. 1h27. Elle se lève du lit et elle reste fixe. Ça lui était déjà arrivé une fois. Une fois, ouais. Ouais. C'est assez flippant d'ailleurs. C'est un peu flippant. Ouais. Et moi, je me demande, je m'étais déjà posé la même question pour Requiem for a Dream. Il y a des scènes, tu sais, qui tournent en accéléré et qui sont censées durer quand même très très longtemps. Tu vois, genre 8 heures. Est-ce qu'elle est restée debout pendant 1h30 C'est ça que tu veux dire. Franchement, elle bouge, machin. À mon avis, elle est restée debout au moins 1 heure, quoi. Non, elle a dû faire 10 minutes. Un timelapse comme ça, là, elle fait 10 minutes, ça fait 30 secondes, ça fait 5 secondes et basta, quoi. Donc, fin des bails. À 1h58, la couverture s'en va. Bon, ça, limite, elle pourrait tomber, mais bon, voilà. Ouais, jusque-là, bail habituel, quoi. Mmh. Rien de très. Enfin, là, ils sont habitués à ça. S'il y a avec ça, c'est normal, quoi. Elle fait le tour du lit, elle se poste à côté de lui. Mika. Elle reste encore hyper longtemps, debout. Mmh. Et ensuite, elle descend. Mmh. Et ça, en fait, c'est quoi le but de rester à côté de lui? Parce que ça, personne n'explique. Faire flipper. Ouais, mais lui il dort, donc ça sert à rien. Non, c'est le démon qui s'imprègne. Ah, tu crois? Ouais, je pense. J'ai fait un peu de. J'étais gothique avant. Elle descend, et là elle hurle. Elle hurle comme une dingo. La Mika bonhomme. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Genre, voilà. C'est quoi les bails? Là, on l'entend hurler, elle. On l'entend hurler, lui. Ensuite, lui, on l'entend plus hurler. On n'entend plus rien. Fin. Alors, pas fin, puisque accrochez-vous, il y a 3 fins différentes. Ah bon? J'aimerais savoir laquelle vous avez vue. Moi, la première fin que j'avais vue, c'était pas celle que j'ai revue là. Ah ouais? C'est surpris. Quelle fin avez-vous vue? Que se passe-t-il pour vous? Moi, on voit Mika qui est jetée sur la caméra. Ouais. Et ensuite, elle arrive pleine de sang. Et puis, elle se jette sur la caméra. Et après, il y a un petit mot qui dit le corps de Mika a été retrouvé à telle date et Cathy a disparu. D'accord. Moi, c'est celle-là que j'ai vue. Vous avez vu la fin originale? Alors, moi. Avec le double jumpscare. Ouais, le double, mais complètement débile parce que lui, il s'envole, genre d'un seul coup, démon, super force. Ouais. Alors ça, c'est franchement Pipo depuis le début, il ouvre, il ferme des portes. Et là, d'un seul coup, il peut faire envoler Mika dans l'espace. Et deuxième bail, pourquoi elle mange la caméra? Enfin, c'est-à-dire, Pipo, à un moment, c'est des ondes électriques. Alors moi, du coup, j'ai pas vu cette fin-là, en fait. Ah. Moi, j'ai vu la fin où ils reviennent, en fait, tous les deux. Ils vont se coucher, en fait, ils étaient juste partis pisser. Et il y a Pipo et ils dorment tous les trois ensemble. Et ils font un trivial poursuite. Un twister. Soit 20 pieds, puis ils vont se recoucher. Toi, c'est celle que t'as vue aussi? Ouais, moi j'ai vu celle-là aussi. Ouais. Moi, la première fin que j'avais vue, en fait, on entendait des bruits. Et on la voyait, elle, revenir avec son truc en sang. Et elle restait debout, je crois, buggée. Le jour se levait. On entendait le répondeur se déclencher dans la journée. La nuit retombait. Et le soir. On entendait des flics arriver dans la baraque et ils montent à l'étage et ils voient la meuf pleine de sang et ils lui tirent dessus à vue, ce qui est complètement débile, et ils la tuent. Ça, je crois que c'était. Alors ça c'est la fin originale. Ça, je crois que c'est la fin qui était originale. Bah, dis donc, elle est bien aussi hein, cette fin. J'ai déçu de pas l'avoir. Bah, elle transforme le film. Moi, j'ai adoré grâce à cette fin. Je vais la regarder tout de suite en rentrant. Hein. Et il y a une troisième fin qui est la fin alternative à la version qui est sortie dans les salles, où en fait, elle revient pas avec Mika en projetant le corps comme une Power Rangers. Elle revient toute seule, en sang, et elle se met face à la caméra. elle sourit et elle se tranche la gorge toute seule en tombant par terre. Ah, elle est bien cette fin. Ce qui est complètement débile. Ah, moi j'aurais bien aimé voir cette fin. Mais, et après, Pipo, il va où, crétin? S'il la tue, il est sans hôte, hein, le démon. Il se dit des monologues. Moi je commence à douter. Hein. Donc voilà, moi je pense que c'est pas un très mauvais film. Je pense qu'il faut le mater dans des conditions particulières, c'est-à-dire j'ai vraiment envie de me faire peur et tout. Mais sinon, c'est globalement un truc horrible à regarder parce que c'est extrêmement chiant et ça fait mal au crâne quoi. Ouais. Voilà. Des choses à ajouter? Ben non, mais ouais, il y a pas vraiment de scénar, c'est juste il y a un poltergeist qui est là et puis voilà. Mais toi, t'aurais bien aimé un temple maudit et qu'ils aillent chercher un Graal. Un truc. Mais non, mais je sais pas que les fantômes ils viennent passer un message quoi, comme il se passe d'habitude dans les films de fantômes quoi. Le fantôme en général il revient pour dire ah mais machin, on a tué quelqu'un, il faut que. Ah mais toi t'es fan de Ghost aussi, c'est pour ça. Ah, moi je trouve ça fout les pétoches. Hein. Ça fout les chocottes. Hein. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors là, l'inverse de Requiem for a Dream, j'ai 8 commentaires. Ah. Très souvent très courts. Excellent. Voilà, 2 un peu plus longs. Excellent. Donc on a un visiteur qui fait « Bonjour, j'aurais aimé savoir la date de sortie en DVD et Blu-ray de Paranormal Activity en France, 5 étoiles. » Qui va répondre? Personne n'a répondu. Mais oui, en plus, tu peux pas répondre à un commentaire. C'est... Oui. Ou alors un autre mec qui met un commentaire 5 étoiles. Oui, voilà. « Salut Philippe, alors c'est le 22 juillet. » Alors Charlotte 0220 qui dit « Eh, franchement, ça fout les boules, hein. Ce film, en sachant que c'est une histoire vraie. Oh, je... La conne. Je l'ai regardé. La connasse. Je l'ai regardé, mais ça fait trop peur, hein. Eh, ça se trouve, Cathy va venir près de chez vous. Moi, j'ai trop peur, hein. 5 étoiles. Konga Fury. C'est comme le mec qui disait que 6ème sens était tiré d'une histoire vraie. Konga Fury qui dit « Je trouve que c'est un film d'épouvante d'un autre genre, beaucoup plus moderne comme Rec, car là, on peut vraiment se mettre à la place des caméras. » Alors en général, il faudrait quand même expliquer à Konga Fury qu'on s'identifie plutôt au personnage. Oh putain, ah, j'ai adoré Requiem for a Dream, je me suis vraiment identifié à la caméra. Ah non, l'angle comme ça là, tu vois. Ensuite, on a Gégé91 qui dit... Gégé, non, c'est Gégé. Non, non, Gégé, il y a ah. Je viens de voir ce film et franchement, j'ai encore le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ce film-là d'épouvante sont les pires pour moi. Car on ne voit rien, on ne peut pas se défendre. Bah, t'as qu'à regarder le film avec un couteau. Et normalement, il fait des prises de kung-fu à sa télé. Quoi. On a Mike18 qui dit... Je viens de voir ce film à chaud, 2 points... Ouf, je suis heureux d'être en appartement, hein. Et non une maison à étage. On va dire que ça allège mon angoisse. 5 étoiles. Ah bah oui. Ah bah pour chauffer, c'est plein de problèmes une maison. Bah ça attire beaucoup moins les démons, tu vois. On a Scalibrar qui nous dit « Là où je suis dégoûté des cinémas, c'est tous les abrutis qui touchent. Je n'arrive jamais à être à 100% dans un film. » Et sur ce film, entre ça, puis les gens morts de rire quand les scènes sont muettes. Eh, j'aimerais voir leur tête si ça leur arrive vraiment, des trucs comme ça. C'est impossible de se mettre entièrement dans ce film génial. 5 étoiles. Enfin, on a Hyrule qui nous dit... Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui faire un accent belge. C'est ton dernier commentaire? Non, c'est mon avant-dernier commentaire. Qui dit... Ah, celui-ci, j'y mets 5 étoiles, hein. Car il mérite pas autant d'acharnement, hein. C'est un budget si petit. Arriver à faire un film de ce genre. Désolé, mais il faut savoir le faire, hein. On ne voit pas d'explication ou de révélation du début à la fin. Et c'est parfaitement normal. Ça laisse le spectateur dans un état de stress. Imaginez un peu que l'on voit le démon, il arrive comme une flèche, genre rousse, avec un fusil, un maquillage ridicule et des grands bras en plastique. Mais ce serait pitoyable. Le choix de la caméra, restitution du budget. Le choix de la caméra reste une question de budget que l'on a caché dans le genre de Blair Witch. Hein? Et si les scènes sont filmées sans acteur, bah c'est pour se sentir seul avec le démon. D'ailleurs, les acteurs, on peut pas dire qu'ils soient géniaux, mais ils se débrouillent. Évidemment que c'est pas un véritable... Trop de le faire en Belgique, totalement belge. Évidemment que c'est pas un film véritable, un film amateur qui a été retrouvé. Ah bah oui, ça a été dit pour mettre le spectateur dans l'ambiance. Ah bon? C'est un film qui a été réalisé et tourné comme les autres. Je dis ça, Car quand j'entends des gens dire c'est nul, je suis sûr que c'est pas vraiment tiré de faits réels et qu'il a jamais, qu'il a jamais eu de bande trouvée. Enfin, je trouve ça tellement minable. 5 étoiles. Et enfin, mon dernier commentaire, c'est le commentaire chelou. J'ai fait un petit jingle pour l'occasion. Commentaire chelou. Et donc, tu t'es fendu, hein, Mickaël. Alors... Putain, mais il y a un an de travail. Alors, c'est Régine Ball qui nous fait le commentaire chelou, qui lui dit « Chef-d'œuvre de réalisme documentaire, les démons existent bel et bien, sauf qu'ils savent très bien ce qu'est une caméra et n'ont rien d'exhibitionniste, bien au contraire. Inspiré de nombreux faits réels, ce film fera flipper les simples croyants, mais aussi les spécialistes qui savent... Hein, comme moi, les entités interdimensionnelles, interdimensionnelles ont-elles aussi des lois à respecter que parfois elles transgressent. Pensez un peu à ces accidents, meurtres, suicides familiaux inexpliqués et sans motif. Turbo Bléro. Bléro 2000. Mais Bléro 2000, quoi. Hey, on est seul dans l'univers, hein. Il n'y a rien de supérieur à l'humain. Il n'y a qu'un seul plan d'existence. Même la science confirme. 5 étoiles. Putain, mais c'est lui qu'on aurait dû inviter. Je pense que t'es pas un si bon démonologue. Ça a l'air d'être un très bon démonologue, hein. Lui, il a l'air au top, il a l'air de tout connaître, quoi. Ouais, c'est un spécialiste. Donc, alors, plein de choses à faire. Déjà, on vous rappelle qu'on a un super nouveau site web. 2hdp.fr. Alors faut que vous y alliez. Faut pas confondre avec le .com, hein, parce que sinon vous arrivez pas sur le .com. C'est pour les fans chinois et qui vous envoie des spams chinois. Mais bon, à la limite, je pense que ça fait rien. Je suis chinois. Pas question de mauvaise qualité, mais c'est pas la même langue. Ah d'accord. Plein de trucs. Le chapeau, on fait ça après. Oui, donc allez sur 2hdp.fr. Il y a plein de cadeaux, plein de goodies. Pas vrai du tout. Non mais allez-y parce qu'on a un grand projet de... Acheter le mug de HDQ. De faire un live un jour. Et donc on cherche à savoir qui est intéressé, qui serait prêt à payer. Parce qu'évidemment, il faut mettre la main à la patte, les cocos. Attendez. Ça sera pas fait comme Paranormal Activity. Hein. Ça sera un grand pompe. Hein. Et du coup, c'est l'heure de tirer des films au chapeau. Pour les prochaines fois. Sarah, je t'en prie. Non, on a l'impression que tu l'as choisi. Ouais, celui-là, je sens que c'était Titanic en plus, donc ça, c'est clair. Voilà, celui-là. Celui-là, alors. L'arnaqueur. Oh. C'est quoi ? Oh là là, c'est le film avec Vanessa Paradis et. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un film franco-français. C'est une catastrophe. C'est qui l'a proposé ? Et proposé par qui ? Greg. Mais non, mais je sais même pas ce que c'est. Là, t'as mis mon nom au hasard. Greg, t'es sérieux? Ah bah si c'est moi qui l'ai proposé, on peut changer. Non, bah l'arnaqueur. Putain, moi j'ai bien aimé. C'est pas moi qui a proposé ça. Hein. Totalement deg. C'est un enfer ce film. Il y a François Damien dedans. Ouais. Pas marrant ce film. Et le second film, ce sera... Coup de foudre à Notting Hill. Non, c'est pas vrai. T'as deux films d'amour. En même temps, on vient d'enchaîner des blockbusters et des films d'horreur. Maintenant, voilà. Et c'est le côté amour maintenant. Un peu tendresse. Allez, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'arnaqueur. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.